dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » Et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ Car il ne croyait pas en Allah le très grand. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger. Ni d'autre nourriture que du pu. Que seuls les fautifs mangeront. فلا أقسم بما تبصرون. Mais non, je jure par ce que vous voyez. وما لا تبصرون. Ainsi que par ce que vous ne voyez pas. إنه لقول رسول كريم. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. تنزيل من رب العالمين. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. لأخذنا منه باليمين. Nous l'aurions saisi de la main droite. ثم لقطعنا منه الوتين. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. وإنه لتذكرة للمتقين. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traite de menteur. Et